Chapitre 5e. Désenchantement. Eudoxia était l'épouse de l'empereur Arcadius. Les premiers jours, les premières semaines, se passèrent dans l'enivrement que cette haute fortune ne pouvait manquer d'offrir à une jeune femme de 16 ans. Mais bientôt elle commença à s'habituer à cette nouvelle position, et les regards qu'elle jeta autour d'elle eurent pour effet de mêler quelques gouttes d'amertume au calice de ses joies. Arcadius l'aimait de cet amour exclusif qui n'admet aucun partage. Elle le savait, et elle était bien décidée à tout faire pour se conserver cet amour. Mais pourquoi n'était-elle que l'épouse de l'empereur et non impératrice? Il existait encore à cette époque des restes des vues païennes qui, en l'absence du vrai Dieu, s'attachaient à lui trouver un remplaçant dans le souverain en lui donnant en quelque sorte les attributs de la divinité. La puissance, la grandeur étaient réunies en sa personne. Elles émanaient du souverain comme par rayonnement, et se reflétait sur ceux auxquels il lui plaisait de les communiquer. Le fils de l'empereur n'était Auguste, l'épouse de l'empereur n'était Augusta, qu'après qu'il leur avait accordé ce titre. Et Arcadius ne l'avait pas encore donné à Eudoxia. Elle n'était qu'épiphanestata, c'est-à-dire illustrissime. Cela lui était d'autant plus sensible qu'elle savait que les deux jeunes empereurs, après la mort de leur père Théodose, avaient nommé Augusta leur belle-sœur Galla Placidia. Et maintenant, l'empereur d'Orient se marie, et il ne donne pas ce titre à son épouse. D'où venait cela? Qui l'en détournait? Qu'est-ce qui pouvait l'en empêcher? Elle ne connaissait pas encore les chaînes dans lesquelles son caractère faible et tolérant l'emprisonnait. S'il eût osé suivre son inclination, il eût donné à Eudoxia le titre d'Augusta le lendemain même de son mariage, mais Eutrope ne le voulait pas. « Un peu de patience, ô puissant empereur, » disait-il d'un ton caressant. « Laissez à l'illustrissime Eudoxia le temps de vous donner un fils et un successeur. Alors seulement elle sera aux yeux de vos peuples digne d'être impératrice. »« Mais je voudrais la décorer dès maintenant du titre d'Augusta, » répondit Arcadius avec chagrin. L'empereur doit à ses peuples, à tout l'empire, un gage de postérité, un fils, » fit Eutrope avec le plus grand respect. « Qu'est-ce que cela peut avoir de commun avec le titre d'impératrice ?» dit Arcadius. « Sire, cela importe beaucoup, » répondit Eutrope en riant. « Un fils, un successeur est un gage de repos pour l'avenir de l'Empire. C'est une protection contre les tentatives criminelles des ravisseurs de trône. C'est un lien qui associe pour longtemps le peuple à la couronne, dans la même communauté d'intérêts. C'est donc une nécessité auprès du trône de votre majesté. Si l'illustrissime Eudoxia avait le malheur, car au sein du bonheur il faut songer aux possibilités affligeantes, de ne pas devenir mère d'un héritier du trône, elle rentrerait plus facilement dans la vie privée avant d'avoir été nommée Augusta. C'est pour cela qu'il faudrait en tout cas attendre cet heureux événement. Vous êtes assez fou pour vous figurer que je me déciderais pour une raison quelconque à répudier Eudoxia ? S'écria Arcadius agité. L'empereur d'Orient a aussi ses devoirs envers son empire, fit Eutrope avec emphase. Et ce mot de devoir, qui était pour lui-même un son creux, suffit auprès du timide monarque pour le déterminer à suivre le conseil d'Eutrope relativement à l'époque où il convenait de conférer à Eudoxia le titre d'impératrice. Mais Eutrope était moins préoccupé de la nécessité que Eudoxia devint mère d'un fils que des moyens de la tenir dans sa main, comme l'empereur qui l'effrayait avec de grands mots. Cependant Rufin n'était nullement décidé à laisser le champ libre à son heureux rival. Il avait soif de vengeance, d'une vengeance grande, énergique. Ce n'était pas le favori, c'était l'empereur lui-même qui devait en sentir le poids. Il noua auprès des Goths des intelligences secrètes en vue d'un soulèvement. Les Goths formaient, sous des chefs de leur nation, des corps à part dans l'armée impériale. Ils étaient beaucoup plus attachés et plus dévoués à leur chef qu'à l'empereur. C'est par eux que Rufin voulait arriver à la pourpre. Mais Eutrope veillait. Ses espions ne perdaient pas Rufin de vue un seul instant, et la trahison que celui-ci voulait ourdir contre l'empereur l'entoura et l'enveloppa lui-même. Le général en chef des Goths, Gainas, avec qui Rufin s'imaginait être d'accord, jugea qu'il avait plus d'intérêt cette fois à tenir pour l'empereur et à se mettre du parti d'Eutrope. Gainas ramena ses troupes de l'Occident, où Théodose s'en était servi peu de temps avant sa mort, pour vaincre les rebelles Arbogast et Eugène. À Constantinople, l'usage voulait que l'empereur allât au-devant de l'armée qui rentrait triomphante. C'est ce qui eut lieu, en effet, dans cette circonstance. Arcadius, en grand costume, sortit de son palais de l'Hebdomon et se dirigea vers la porte d'or. La cour l'entourait. Le préfet du prétoire marchait à côté de lui, plus fier, plus majestueux que jamais, et tout heureux des espérances téméraires dont il attendait l'accomplissement avec la plus complète assurance. Après que les troupes eurent salué l'empereur, Gaïnas s'avança avec sa garde du côté de Ruffin. Celui-ci croyait qu'il voulait le proclamer empereur, mais Gaïnas donna au sien un signal convenu, et ils immolèrent Ruffin aux pieds de l'empereur effrayé. L'impunité avait suivi le meurtre du noble comte Lucien, mis à mort par Ruffin. L'impunité suivit le meurtre de Ruffin, car Eutrope et Gaïnas dévoilèrent à l'empereur son plan criminel et lui firent remarquer la joie du peuple qui les saluait comme des libérateurs et célébrait par des transports indicibles la chute de l'odieux personnage. L'empereur fut un moment fortement ébranlé. Ce traître, assassiné sous ses yeux, était ce même Ruffin à qui le grand empereur, son père, avait autrefois confié la tutelle d'Arcadius et le gouvernement de l'Orient. Un frisson d'horreur s'empara de lui devant ce spectacle des vicissitudes de la vie et de l'incertitude des hommes. Mais cette impression passa sans lui avoir fait sentir la nécessité d'une sage prévoyance. La veuve de Ruffin fut brisée de douleur de perdre ainsi son mari. Il était chrétien, comme la plupart l'étaient à la cour, parce que l'empereur l'était. Mais elle savait que ses sentiments et ses actes étaient en opposition avec le christianisme, et il venait de trouver la mort, le cœur tout rempli de ses sentiments. Le séjour de Constantinople, où son souvenir était chargé de malédictions, devint insupportable à l'infortunée veuve. Elle demanda à l'empereur la permission de se retirer à Jérusalem. La Palestine exerçait alors un charme indicible sur tous les cœurs purs, sur tous les esprits pensants, sur toutes les âmes pieuses. Il y avait dans l'air du temps quelque chose qui présageait des orages terribles, des catastrophes capables de bouleverser le monde. Quelques-uns croyaient, sur la foi d'un oracle païen, que le christianisme disparaîtrait en l'an 399. D'autres s'inquiétaient de voir le sceptre aux mains de deux enfants. D'autres encore déploraient la décadence de l'Empire en présence des peuples barbares qui semblaient sortir de terre et qui, comme un flot toujours grossissant, se ruaient sur les frontières de l'Empire. D'autres, enfin, s'attristaient du malaise que l'esprit de secte et l'hérésie, les influences impériales et les éléments mondains avaient introduit dans l'Église. Personne n'était tranquille, à l'exception de deux classes de personnes, les indifférents qui se perdaient dans les jouissances du siècle, et les âmes fermement attachées à la foi qui savaient être en sûreté dans la main de Dieu et au pied de la croix. Ces derniers se sentaient poussés vers la Palestine, vers ces lieux à jamais sanctifiés par la vie et la mort du Sauveur. Malgré les fatigues de la mer, bon nombre d'hommes et même de dames délicatement élevés entreprenaient le voyage de Palestine, et il arrivait souvent que, touchés de la sainteté des souvenirs puissants que rappelaient ces saints lieux et de la paix qu'on goûtait dans ces silencieuses retraites, les pieux pèlerins y terminaient leur vie et disaient adieu au monde pour ne plus s'entretenir qu'avec Dieu. De ce nombre furent la veuve de Ruffin et sa fille. Elles bâtirent à Jérusalem un hôpital pour les pauvres pèlerins malades et se consacrèrent aux œuvres de la charité chrétienne. Cependant, à Constantinople, on cessa bientôt de se réjouir de la mort de Ruffin quand on connut quel était son successeur. Ruffin était après tout un homme plein d'intelligence et d'énergie, plein de courage et d'habileté. Il comprenait sa position, savait se conduire et parler comme il convenait, quand il avait à traiter les affaires publiques. Il représentait dignement l'empereur et l'empire. Mais Eutrope, il avait tous les vices de Ruffin sans posséder une seule de ses qualités. On ne le haïssait pas seulement à cause de son avarice, de son injustice et de sa bassesse. On le méprisait encore à cause de sa vanité brutale et de sa complète incapacité dans la lourde charge du gouvernement de l'Empire. Personne n'avait pour lui plus d'aversion que Doxia. Malgré sa jeunesse, elle avait une inclination prononcée pour l'esprit de domination. Elle aurait volontiers tenu les rênes de l'État à la place d'Arcadius. Elle se sentait humiliée pour l'empereur, offensée pour son époux, blessée pour elle-même par l'ascendant indigne et tyrannique du favori, qui gravissait l'un après l'autre tous les degrés des honneurs, et qui regorgeait de richesses qu'il entassait à force d'iniquité. Eutrope voyait fort bien que son pouvoir s'évanouirait du moment où Eudoxia, admise par l'empereur au maniement des affaires de l'État, emporterait la balance. Aussi, plus elle faisait d'efforts pour conquérir cette position, plus il s'attachait à l'en tenir à l'écart. Son argument le plus puissant contre l'immixtion de l'Oxia était que l'Empire, dans ces temps difficiles, menacé de tous côtés par des peuples belliqueux et avides de conquête, avait besoin d'avoir à sa tête des hommes doués d'habileté et d'énergie. Cela était très juste en soi, et comme il avait l'art d'amener l'empereur Arcadius à cette fausse conclusion qu'Eutrope était l'homme qui possédait ses qualités au degré le plus parfait, le favori restait inébranlable dans sa haute position. Pour satisfaire d'un autre côté ses goûts d'impératrice, Eudoxia vivait avec une prodigalité sans limite. Tout ce qui tombait de pierres précieuses sous ses yeux, elle les voulait. Il fallait qu'elle les eût. Il y avait à Constantinople beaucoup de grandes dames de familles anciennes et riches qui possédaient des diamants extrêmement beaux et qui n'étaient nullement disposées à se laisser éclipser par Eudoxia. Cette rivalité la poussait à des dépenses excessives. Eutrope la secondait dans cette voie. Quelle que fût l'importance des sommes qu'elle voulait, il les mettait toujours à sa disposition. Elle était ainsi obligée, malgré la répulsion qui lui inspirait, de le trouver utile. Mais souvent elle pleurait de colère. Marsa la trouva un jour dans cet état. Une magnifique couronne en diamant jetait des feux étincelants du fond d'un ravissant écrin qui reposait sur la table, et Eudoxia le regardait en versant un torrent de larmes. « Vous pleurez à la vue de cette merveille ?» s'écria Marsa. Elle prit la superbe parure et se disposa à la poser sur le front d'Eudoxia. Mais celle-ci fit un geste de refus qui secoua les belles boucles de sa blonde chevelure. « Ce n'est pas la couronne d'impératrice. Aucune autre ne peut me plaire. « Allons, ma fille, allons, écoutez la raison, » fit Marsa avec bonté. « Celle-là viendra sûrement avec le temps. Pour le moment, soyez heureuse de posséder celle-ci. Elle a aussi son mérite, surtout celui de parer votre beau front. Regardez donc ce travail et cet agencement. Les roses sont en rubis, les feuilles en émeraude, les pédoncules sont des diamants. Peut-on rien voir de plus riche? Regardez donc. » Eudoxia jeta sur la parure un œil humide de larmes. « Maintenant, nous allons l'essayer, » fit Marsa. « Il faudrait pour cela changer ma coiffure, et je n'en ai point le goût. » répondit Eudoxia nonchalamment. « Cela vous distraira, ma fille, et vous avez besoin d'une distraction agréable, » fit Marsa d'une voix caressante. Sans attendre la réponse d'Eudoxia, elle frappa dans ses mains et appela quelques femmes, entre autres celles qui avaient pour emploi de présenter le miroir. Pour un instant, Eudoxia fut consolée. Son orgueil céda le pas à sa vanité, pour reprendre bientôt après le dessus. Elle ne devait pas tarder à éprouver des chagrins d'un autre genre. Elle devint mère d'une fille, et puis encore d'une fille. À la naissance de son premier enfant, elle avait espéré atteindre au comble de ses vœux, au titre d'Augusta. Mais non, Arcadius, ou plutôt Eutrope, restait inébranlable. Il lui laissait seulement entrevoir l'espérance que ce titre lui serait donné le jour où elle mettrait au monde un fils. Mais au lieu du garçon tant désiré, elle donnait le jour à une seconde fille. Eudoxia l'accueillit avec tristesse et abattement. Elle ne soupçonnait pas que cette fille, seule de toute sa descendance, aurait en partage l'esprit du grand Théodose. En effet, elle devint Pulchérie, une sainte sous la pourpre. Mais ce n'était pas un fils.